Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va parler d'abord d'une compétition de patinage de vitesse sur courte-piste qui a lieu récemment au cours du week-end à Sherbrooke. Et les patineuses du secteur ont quand même bien fait lors de cette compétition-là. On parle de Karina Momini qui a pris le 15e rang, Flavie Laroche-Roy le 18e rang, Victor, également Mélina Tremblay la 25e position, Marianne Gay la 28e et Rosalie Tremblay a terminé au 39e rang. Maintenant, on va parler aussi de curling. Il y aura une première compétition senior de curling qui sera présentée en Colombie-Britannique. Évidemment, c'est le championnat canadien senior. Et c'est une équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va représenter le Québec à cette compétition-là. Il s'agit d'abord de Marc Tremblay, Jacques Lessard, Daniel Côté et Justin Amiel qui ont remporté le tournoi de qualification en fin de semaine. Ces quatre joueurs proviennent d'abord du club de Kenogami, Chicoutimi, Riverbend. Donc, on va souhaiter la meilleure des chances à cette équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et les Saguenay de Chicoutimi vont reprendre l'action ce soir en visitant le Phoenix de Sherbrooke. Le sport local et régional, à donnerdesport.com. On s'en occupe.